qui sont pris dans cette vibration-là, ils en passent un mot un petit quart d'heure. Parce que c'est dur de sortir de ça. Parce qu'ils l'ont en vibration. Comment ce qu'il s'appelle celui qui est à bel oeil, là? Garon, j'ai Garon. Il l'a en vibration. C'est-à-dire quand il veut créer, il appelle ça des bidules, quand il veut créer des bidules, des gadgets, ça coule dans l'esprit. À un certain moment, il met un bloc. L'intelligence créative. Puis c'est une grande souffrance pour ces gens-là. Quand tu n'as pas cette vibration-là, tu souffres d'autres choses. Mais quand tu as cette vibration-là, tu souffres de ça, je te jure que tu en souffres tout le temps. Ça marche tout le temps. Il y a un écran mental, puis il veut créer une patente d'avoué, puis là, il travaille dessus, puis il travaille, puis ça, il bloque. C'est une souffrance. Ils ne sont pas intéressés à ce qu'on descende, à ce que la science descende sur la terre. Ils sont intéressés à ce qu'on devienne conscient, la personne, elle descend, la science, elle descendra sur la terre automatiquement. Sans ça, on ferait un fiasco avec nos émotions. Moi, j'ai vu des machines, là, des machines qu'on va. Des machines qui vont servir à l'homme en 2080. Vous n'allez pas que ce soit sa tête tout de suite. Je dis que Gerald Motor travaillait tout à l'heure. Il ne me permettait même pas de rentrer dedans, moi. Regarde les fenêtres, j'y voyais à distance, monsieur. Là, pour le mur. Mais rentrer dedans, non. Je ne vais même pas rentrer dedans. Faut que tu en connaisses trop les secrets. Vous avez fait fondre sa gazonine. Sur l'énergie solaire aussi. Oh, c'est pas l'énergie solaire. C'est l'énergie terrestre. Bon, mais ça, c'est en mode partout. Les États-Unis, c'est la même chose. L'énergie éthérique. Ils ne te permettent même pas de rentrer dedans. Moi, j'en ai pas d'imagination. Ils ne veulent pas qu'on en sache trop. Parce que l'ego rentre dedans. Puis il rentre. C'est quelque chose, l'ego. Si. Moi, j'ai vu des maisons. Tu croirais pas des maisons. Ça se pense même pas des maisons. Même. Des maisons qui t'en vite, qui se tiennent tout seul. Puis la vitre, pas les affaires que mon autre, tu les places. La vitre. Fait que ça, du verre. Des femmes que tu peux même pas t'imaginer. Des femmes que tu peux même pas t'imaginer. Les gens qui sont poignés dans l'illusion de la science cosmique. Je dis qu'ils ont un chemin à faire. Ils vont s'appeler cette illusion-là pour prendre un cours. Là, tu souffres. Moi, je sais que plus on avance, plus ils désengagent l'ego, puis ils désengagent, puis ils désengagent, puis ils désengagent. D'ailleurs, rien que ça qu'ils font. L'initiation solaire, c'est le désengagement de l'ego au bout. C'est le désengagement de l'ego. T'as beau dire, maudit, c'est assez, là, je suis assez désengagé, là. Il désengage encore. Sais-tu comment est-ce que c'est? Si tu regardes une table, tu vois, c'est propre la table. Regarde avec un microscope. Un crotté. Mais ça mène ça. On se pense qu'on est bien, on pense qu'on est bien clean. Quand tu te regardes au microscope, tu t'aperçois que t'es pas clean. Puis, qu'est-ce que c'est le microscope? C'est les expériences. Si tu aimes, t'es bien solide, comprends-tu, là. T'es bien conscient. Tu vas être comme une tuile sur la tête. Paf! Tes émotions montent en surface. Si t'aperçois que tu n'as pas pitié les oreilles. On se pense solide, puis on se pense fort. Je vous le dis bien, maudit, je vous le dis bien. C'est pour ça qu'il vient un temps, tu ne peux plus supporter ta confiance. faut que tu aies de l'intelligence pour la comprendre. C'est là. Faut que tu viennes faire cette direction. Là, tu la comprends. C'est ça qui te permet de continuer. Tu peux continuer 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans. Ça continue. Laisse pas. C'est automatique. Là. C'est automatique. Ça se fait naturellement, facilement. Mais il ne faut pas qu'il y ait l'ego. Aussitôt qu'il y a de l'ego, je travaille dans une librairie, moi. Mon fun dans la librairie, de temps en temps, mon fun, c'était pour me relaxer. J'avais tellement de tension dans ce temps-là. C'était de déplacer des livres à distance. Ça me relaxait. Mais je ne pouvais pas le faire quand je voulais. D'un coup, là, hop, il changeait une vibration. Là, je commençais à me promener autour parce qu'il il y avait comme des livres au centre de la librairie. Là, il faisait commencer à me tourner. Là, il faisait tourner autour comme un chien. Tournait. Je dis arrête, puis je continue. D'un coup, là, mon corps, là, à cause de ce sujet, mon corps est l'hiver, puis il arrêtait de. Hop, là. Là, je devenais comme un petit soldat de bois. T'sais. Je me retournais de bord, je regardais le livre. Là, le livre s'en allait, hop, je le prenais dans mes mains. Ça, c'était mon fun, ça me relaxait. Et un jour, ils ont arrêté ça. J'ai dit, quoi, ça a été donné? Tu n'as plus besoin d'être relaxé. C'est totalement l'opposé. Leur psychologie est totalement opposée de nous autres. Ça venait seulement quand j'avais eu des gros chocs, là. Juste avant, là, une couple de jours avant, j'avais eu des gros chocs. Là. J'étais arrivé dans ma retraite. Pour me remonter, pour me donner. Oh, nous autres, j'appelle ça des preuves. Pour me reprouver la présence, pas pour me donner des preuves, mais pour me reprouver la connexion, parce que j'étais tellement à terre là, que je ne voulais plus rien savoir. Rien savoir. Puis pour son mot aussi. Hein. Pour refaire la connexion, il passait à travers ça. Fait que là, ça faisait la connexion, là. Fait que là, je disais, OK, j'ai bien souffert, au moins tu me donnes quelque chose. J'ai une balance. C'est pas de souffrir, puis moi, vous donnez mon sang. Fait qu'il rebalançait. Puis après ça, la cigarette est assez. Puis là, tu sacres un autre choc en gros, puis là, l'autre, il arrive en gros. Ouais, là, ça rebalançait. Là, tu deviens chum-chum avec les autres. Là, tes vins, tu chocs, tu chocs, tes aimes, là. Jusqu'à temps que tu sois tellement écœuré d'eux autres que tu ne veux plus rien savoir d'eux autres, tu ne veux même pas le virer. Les gens disent c'est long, 10 ans, 15 ans. C'est court. C'est court en moins de 10 ans, 15 ans. 20 ans. C'est l'ego qui trouve ça là, parce que l'ego, il a le temps. Quand tu n'as plus de temps, ben, il n'y a rien. Parce que l'ego a le temps. L'ego, il a le temps. L'ego, il peut être satisfait. Non. C'est dans l'opposé complètement. Quand l'ego peut attendre, là, parce qu'il attend plus après quelque chose, là, l'ego, il vit, là. C'est pour ça que t'en arrives à vivre, t'occupes même de toi. Tes affaires. C'est bien dur de comprendre pour la fête des hindous, là, les gouzous avec le détachement spirituel. Mange des raisins, tu te détaches. Là. Tu te détaches quand tu veux. Tu te détaches tant que ça te fait plaisir de te détacher. Mais quand tu te détaches, les autres, ça te fait plus plaisir de te détacher. Moi, quand je regarde ça, la littérature hindoue, ça me fait rire. On dirait que c'est pour les enfants. J'ai des bons petits-enfants. Australise-toi, là. Mange des garottes, là. Accroche-toi aux 5 000. Tu vas rentrer dans le Nirvana. Nirvana. Si les gens savaient qu'est-ce que c'est le Nirvana. Nirvana. petit nirvana. Maudit qu'on est des yo-yo. Bon, on n'a pas de choix de savoir. On commence à le savoir. Je suis pas supporter le poids de ce savoir-là bien longtemps. Moi. Il va venir un point où vous autres, vous allez trouver le savoir. Là, je le prends le brunt de la situation là, pendant quelques années. Là. Les coups, je les prends. C'est à gauche, pas à droite. Les réactions des égaux, je les prends pour que la vibration passe. Mais quand elle va passer la vibration, c'est vous autres qui allez prendre les coups. Mais si, comment c'est tanné, moi, d'être le niaiseux? Mais quand vous allez être suffisamment en vibration, aussitôt que vous allez ouvrir votre gueule, vous allez changer la vibration de quelqu'un, puis là, il va vous donner des coups, puis là, il va être content, il va sacrer mon cœur. Je vais les bêtes l'affaire. À ton tour, Charlie. C'est ça que j'attends. J'ai jusqu'en 84 à le faire. Laisse-moi dire qu'en 84, ça va être fait. Je me trompe pas. Donc, quand vous allez ouvrir vos boîtes, elle va descendre la vibration. Puis après vous autres, ça va être d'autres. Puis elle va descendre la vibration. Puis après ces autres, ça va être d'autres. Puis ainsi de suite. Ils vont aller chercher les 144 minutes. C'est pas moi qui vais aller chercher. Ils vont aller chercher tout seul.